calomnie, la médisance et la diffamation. Je vois, Evelyne, que vous en salivez d'avance. Est-ce que c'est de tout cela que vous allez nous parler aujourd'hui? Oui, voilà des occupations intéressantes. Alors, dites-nous un petit peu, quel est le point commun entre ces trois mots que je rappelle? Calomnie, médisance, diffamation. Ils ont ceci en commun d'être une allégation infamante, un propos infamant, si vous voulez. C'est-à-dire désagréable sur quelqu'un. Tout à fait. Alors, la différence maintenant, c'est que la calomnie, eh bien ma foi, c'est faux, et la médisance, c'est vrai. Si par exemple je vous dis, mon voisin est un ignoble séducteur qui abandonne ses maîtresses, et de plus, il pioche dans la caisse du magasin qu'il emploie. Si c'est faux, c'est une calomnie. Et si c'est vrai, c'est une médisance. Particulièrement méchante, mais c'est une médisance. Autre différence qui concerne davantage la construction. On calomnie quelqu'un alors qu'on médit de quelqu'un. Si bien que lorsqu'on voudra tourner au passif, on pourra parfaitement dire qu'on a été calomnié par son voisin, par exemple, alors qu'on ne pourra pas dire qu'on a été médit. Quelqu'un aura médit de vous, mais rien de plus. Enfin, rien de plus. Ce n'est déjà pas mal. En tout cas, les deux verbes existent. Calomnier pour calomnie, médire pour médisance. Médire qui est formé, c'est évident, sur le radical du verbe dire et qui ne se conjugue pas exactement de la même façon. Il faut dire je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, mais vous médisez. Sur calomnie, on trouve l'adjectif calomniateur. De même que sur médisance, on va trouver l'adjectif médisant. Le propos peut être soit calomniateur, soit médisant. Pour la personne, c'est différent. On ne va pas dire de quelqu'un « il est calomniateur ». Par contre, on peut dire de quelqu'un « il est médisant ». C'est une personne médisante, car c'est à défaut d'être médisant. Ça ne veut pas dire qu'on l'a fait une fois sur un point précis. Ça veut dire qu'on aime le faire. Ça veut dire qu'on le fait souvent, qu'on a tendance à le faire. On est médisant, comme on est gentil, méchant, avare, prosique, etc. C'est un défaut, quoi. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un « il est calomniateur ». Mais attention, on peut dire par exemple qu'il est prompt à entonner l'air de la calomnie. Et ça, c'est une référence à l'opéra. Evelyne, vous êtes une spécialiste. Oui, enfin, modeste. L'air de la calomnie, qu'est-ce que c'est? L'air de la calomnie, effectivement, ça fait référence à l'opéra de Rossini, Le Barbier de Séville, dans lequel Basile, un des personnages, explique les méfaits dévastateurs de la calomnie. J'espère bien. Un bruit qui enfle, qui enfle, qui enfle. Et bien sûr, jette à bas une réputation. Quant à la diffamation, elle a franchement une coloration plus juridique. Le propos infamant, cette fois, a été public. L'offense a été publique. Oui, il faut peut-être se souvenir que ce mot est formé sur le radical latin « fama », qui veut dire la renommée, la réputation. Donc ça implique justement que ces propos ont été portés sur la place publique. Et celui qui s'estime blessé dans sa réputation peut à ce moment-là ouvrir une procédure judiciaire. Il peut faire un procès en diffamation, mot de la même racine. Et si on reconnaît qu'il y a eu diffamation, on dira qu'il a été diffamé. Qu'on a porté sur lui des propos diffamatoires. Ici, nous sommes en plein dans un contexte et dans un lexique juridique, ce qui n'est pas vraiment courant.